Lorsque Louis XIV projette puis décide de créer Marly, tout comme il avait décidé auparavant de créer Clagny ou plus tard le Trianon de marbre, c'est une institution tout entière, les bâtiments du roi, qui se mobilise pour en assurer la réalisation. Comprendre comment Marly passe, et je cite Saint-Simon, d'un vallon étroit, profond, à bord escarpé, inaccessible par ses marécages, sans aucune vue, enfermé de collines, à cette résidence de plaisance si richement aménagée, nécessite forcément d'avoir à l'esprit le travail de gestion et de suivi fourni par les bâtiments du roi, institution qui avait pour tâche essentielle de répondre aux envies d'un roi bâtisseur. Cette nécessité de prendre en compte l'action entre guillemets administrative et non pas seulement artistique des bâtiments du roi, l'historien l'a depuis peu à l'esprit, en grande partie grâce aux travaux de Thierry Sarment, et notamment avec la publication en 2003 de son ouvrage « Les demeures du soleil, Louis XIV, Louvois et la surintendance des bâtiments du roi », ouvrage qui est à l'origine de mes propres recherches et des travaux pour ma thèse. Mon intervention aujourd'hui se place dans cet esprit et vise à essayer de mettre en lumière certains aspects de la création de Marly qui ne sont jamais quasiment abordés. Pourtant, la création d'une maison royale, comme on dit à l'époque, entraîne automatiquement la mise en place d'une structure institutionnelle ainsi qu'une organisation particulière pour répondre aux besoins matériels et humains induits par cette création. Je vais donc m'attacher à aborder les conditions de la création du département des bâtiments du roi de Marly, son histoire, puis ses implications structurelles et humaines induite par la création de cette entité administrative locale. Le lancement des travaux de Marly au printemps 1679 implique nécessairement donc, pour les bâtiments du roi, la mise en place d'une antenne de son administration pour y assurer la gestion quotidienne du chantier et pour servir de relais avec les différents services de la surintendance, voire même avec le surintendant. Ce type de structure administrative locale, que l'on rencontre déjà bien avant cette époque, aussi bien à Versailles, Saint-Germain ou Fontainebleau, prend le nom de contrôle des bâtiments du roi ou de département des bâtiments du roi. Chaque résidence royale peut ainsi disposer personnellement d'un département des bâtiments du roi, à moins de dépendre d'une structure semblable, plus importante, où est implanté un embryon administratif fonctionnant autour d'un contrôleur et de ses employés. Comme Marly est une création ex nihilo, il n'existe pas en 1679 de département de Marly, et encore moins de structure administrative dédiée. Pour pallier ce manque, les bâtiments du roi choisissent non pas de créer un nouveau département, ou de rattacher Marly à Versailles, par exemple, mais d'en confier le suivi au département de Saint-Germain. Ce schéma où l'on voit les résidences royales de Saint-Germain, résidence de la cour donc au centre et de Versailles, représente, rattaché dans des cercles avec des petits tirets, leurs dépendances, pour Versailles la ménagerie et le Trianon de Porcenel, pour Saint-Germain le Val, et par conséquent, en 1679 et les années suivantes, Marly. Le choix de faire dépendre Marly de Saint-Germain et non de Versailles est compréhensible, car en 1679, la création de Marly intervient dans une sorte d'entre-deux. Si depuis 1677, Versailles se préfigure à devenir la résidence fixe de la cour, Saint-Germain reste encore pour quelques années, jusqu'en 1682, l'épicentre de la vie du roi et de sa suite. Saint-Germain est aussi historiquement le département auquel sont rattachés administrativement les nouvelles résidences royales ou nouveaux grands chantiers royaux des environs. Versailles a été lui-même rattaché au département de Saint-Germain. Ce n'est qu'en 1672 que Colbert nomme un contrôleur pour Versailles, Philippe Lefebvre, et donne naissance ainsi à un département séparé. Ajoutons qu'après Marly, lorsque le chantier de la machine de Marly fut lancé, sa gestion fut assurée tout naturellement, dit les premiers temps, par le département de Saint-Germain. Témoin de l'accroissement de l'étendue du champ d'action du département de Saint-Germain et donc de son importance et de son prestige à la fin des années 1670 et du début des années 1680, le sieur Louis Petit, contrôleur du département de Saint-Germain, voit sa rémunération passer de 1200 livres à 2400 en 1680 avec l'arrivée de Marly, puis à 3600 livres avec l'arrivée du chantier de la machine. À cette époque, avant 1682-83, Marly n'est encore qu'un vaste chantier, une dépendance donc de Saint-Germain, dont on enregistre tout naturellement les dépenses après celles de Saint-Germain dans les comptes des bâtiments du roi, témoignant cette pratique de cette dépendance, si vous voulez. Cet état de fait va évoluer avec l'installation de la cour à Versailles en 1682, la mort de Colbert en 1683 et son remplacement par Louvois, et la montée en importance et en prestige de Marly les années suivantes. La mort, donc voici ce schéma recentré sur Versailles une fois devenue résidence de la cour. La mort donc de Jean-Baptiste Colbert le 6 septembre 1683 et son remplacement comme surintendant des bâtiments du roi par François-Michel Letellier, marquis de Louvois, fut un événement déterminant pour l'avenir du département de Saint-Germain et donc de Marly. Louvois, à son arrivée à la tête des bâtiments, réorganise un par un les départements des bâtiments du roi et Saint-Germain n'y échappe pas. Tout d'abord, un contrôleur est nommé à la machine de Marly, créant de fait un nouveau département des bâtiments du roi. Voilà, machine de Marly séparée de Saint-Germain. Le nouveau contrôleur se nomme Joachim Cochu, il est originaire de Crouy-en-Thelle, dans l'Oise, et il est issu du monde des fortifications, autre département sous la coupe de Louvois. Cochu restera à la tête de la machine jusqu'à sa mort en 1706, et le département de la machine conservera son indépendance jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Autre changement, le contrôleur du département de Saint-Germain et de Marly, Louis Petit, est congédié en 1683 pour son implication dans l'affaire Bréau, une malversation pour la construction de la grande écurie de Versailles. Louis Petit aura finalement été le contrôleur d'un Marly, pour ainsi dire, à peine sorti de terre. Il est remplacé par Louis Lelièvre de Rusé, un ingénieur lui aussi issu des fortifications. Dans tous ces remous qui accompagnent l'arrivée de Louvois, Marly gagne donc un nouveau contrôleur, mais conserve son rattachement à Saint-Germain. Et ce, pour un peu plus d'une quinzaine d'années. Mais peut-on dire encore que pendant les années 1680 et suivantes, Marly est une dépendance de Saint-Germain? Certes, les dépenses de Marly sont toujours enregistrées après celles de Saint-Germain dans les comptes des bâtiments du roi. Certes, Louis de Rusé est dit dans les actes notariés contrôleur des bâtiments de Sa Majesté de Saint-Germain-en-Laye et Marly. Mais n'y a-t-il pas eu un basculement entre ces deux résidences royales dès 1682 et les années suivantes? En effet, l'installation de la cour à Versailles en 1682 prive Saint-Germain à jamais de sa position prééminente, abaisse son prestige au sein des résidences royales et ainsi, de fait, dans l'échelle de valeur des départements des bâtiments du roi. Il suffit de voir la chute rapide et la différence constante ensuite des dépenses allouées pour Saint-Germain ici en bleu sur le graphique, en comparaison avec celle pour Marly en rouge, pour comprendre ce qui se joue en 1680 et les années suivantes. Il faudra attendre l'arrivée de la cour de Jacques II d'Angleterre quelques années plus tard pour que Saint-Germain revive quelque peu, mais il suffit de continuer à comparer ces deux courbes pour comprendre que Louis XIV dépense à Marly beaucoup plus que ce qu'il ne paie en simple entretien pour Saint-Germain pour bien comprendre à quel point Saint-Germain est relégué dans la hiérarchie des résidences royales derrière Versailles et Marly. Enfin, le fait que Louis XIV n'aille quasiment plus à Saint-Germain a également une influence très forte et indéniable dans la perte de prestige de cette résidence royale et donc du département du même nom face à Marly, où par contre le roi passe le plus clair de son temps jusqu'à un tiers de l'année en 1705. Nous pensons donc, comme représenté sur ce schéma, qu'il faut assez rapidement, dans la décennie 1680, cesser de considérer Marly comme une dépendance de Saint-Germain, mais bien voir ces deux sites comme une entité administrative unique, où Marly a irrémédiablement supplanté Saint-Germain. Alors, ce que nous appelons en 1682-1683 un basculement, qui va donc rester en place, un État qui va donc rester en place plus de 15 ans, va devenir en 1699 une véritable séparation. En effet, l'arrivée de Jules d'Ormansart à la tête des bâtiments du roi en janvier 1699 sonne le glas du département uni de Saint-Germain et de Marly. Alors que Louvois avait réorganisé les départements des bâtiments du roi selon une logique fixée par l'efficacité, Jules d'Ormansart, lui, les réorganise selon une logique toute familiale, mettant ses proches parents à la tête de tous les postes clés. Sans que l'on puisse précisément dire si le nouveau surintendant souhaitait évincer complètement de Rusé, ou bien s'il souhaitait seulement récupérer Marly, résidence préférée du roi, le résultat est qu'en octobre 1699, il sépare Marly de Saint-Germain et en donne son contrôle à un neveu par alliance, Nicolas Desjardins, qui n'était entré dans les bâtiments du roi que 10 mois auparavant pour s'occuper, entre autres, du remboursement des terres occupées par les travaux des bâtiments du roi. 20 ans après sa création, Marly devient donc un département autonome en 1699, doté d'un contrôleur particulier et d'une administration locale. Le département de Saint-Germain disparaît, lui, à ce moment, définitivement du premier plan de l'horizon des résidences royales. La comparaison entre De Rusé à Saint-Germain et Desjardins à Marly illustre parfaitement le fossé qui s'est creusé entre les deux résidences royales à partir du début du XVIIIe et à la fin du XVIIe. En effet, De Rusé, en étant cantonné à Saint-Germain, change radicalement de niveau d'activité. Il se retrouve à gérer des dépenses qui culminent entre 30 000 et 40 000 livres. Quant à Marly, celles-ci atteignent entre 400 000 et 600 000 livres les meilleures années. De Rusé ne s'occupe plus que d'entretien et de menus travaux quand Desjardins gère la création d'une nouvelle cascade, la cascade champêtre, l'implantation des globes de Coronelli ou bien les travaux des bassins des Carpes décorés de carreaux de faïence. Si Desjardins voit ses appointements passer de 4 000 à 5 000 livres, De Rusé, lui, ne verra jamais ses 4 000 livres augmenter. Plus déterminant encore, De Rusé ne peut plus, comme auparavant, accéder facilement au roi lors des nombreuses promenades de celui-ci à Marly pour y suivre les travaux. Cette différence est fondamentale. De Rusé ne concourt plus au plaisir de Louis XIV, mais à l'entretien d'un château en sommeil. Donc cette différence fondamentale, il faut bien la saisir pour comprendre la position de Marly vis-à-vis de Saint-Germain et par ricochet la position du département de Marly vis-à-vis de celui de Saint-Germain, voire de celui de Versailles à la fin du règne de Louis XIV. Alors, l'histoire de la création du département de Marly ainsi retracée, puisque depuis 1699 jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, cet État ne va plus bouger, il s'agit maintenant d'aborder ce que la création du département de Marly a généré comme structure matérielle et humaine. En effet, la création de la maison royale de Marly n'impliqua pas de façon concomitante, tout d'abord, l'édification de structures immeubles pour accueillir l'administration des bâtiments et ses services. Son rattachement à Saint-Germain en est en partie l'explication, cette dernière résidence possédant sa propre surintendance, d'où travaillait le contrôleur de Saint-Germain et de Marly. Néanmoins, avec le développement croissant de Marly, puis son rattachement à Saint-Germain, les bâtiments du roi durent bâtir plusieurs types d'infrastructures pour répondre à 3 besoins. Accueillir l'administration locale des bâtiments du roi, stocker les matériaux et produire sur place des plantes et des fleurs. À une date inconnue, vers le début des années 1690, les bâtiments du roi firent construire un édifice pour leurs propres besoins et non pas pour le roi ou pour les courtisans, ce qu'ils avaient fait jusque-là. Ce bâtiment se situait à côté de la porte ouest du domaine, porte dite du village de Marly. Il est absent du plan du parc daté du 10 mai 1685, où il y a une place vide, mais on retrouve le pavillon des bâtiments, ainsi qu'il est appelé, ou aussi surintendance de Marly, tel qu'on peut le trouver sur d'autres documents, sur un plan de projet de cascade que l'on date de 1693, où on le trouve bien présent. On possède plusieurs plans au sol de ce pavillon qui nous en indiquent les occupants. Ainsi, comme il est inscrit sur ces deux plans, l'un du rez-de-chaussée à gauche et l'autre du premier étage à droite, datant de la période 1699-1708, cet édifice accueillait le surintendant des bâtiments, le contrôleur, l'inspecteur, le fontainier, le jardinier, qui disposait de plusieurs pièces pour y travailler et se loger. Avec la séparation du département de Marly et de celui de Saint-Germain en 1699, ce bâtiment devient le nouveau siège du département de Marly où s'administrèrent les affaires locales des bâtiments du roi. Outre le pavillon de la surintendance, les bâtiments du roi ont connu la nécessité de disposer de stockages, des magasins, où étaient entreposés les matériaux neufs en attente d'utilisation ou bien des anciens matériaux en attente de réutilisation. À notre connaissance, les bâtiments du roi ont créé 3 magasins à Marly, représentés sur ce plan de 1703. Le premier se trouvait au rez-de-chaussée du pavillon des magasins. Le deuxième ne se situait pas très loin, mais à l'extérieur de l'enceinte du domaine, à côté d'un corps de garde et du logement d'un Suisse, ici représenté sur un plan des archives nationales. Enfin, un autre magasin plus grand, créé à la fin du XVIIe siècle, était situé un peu plus bas, toujours en dehors de l'enceinte du château, du côté du village. On le voit ici en plan à gauche et en perspective à droite. Enfin, les derniers éléments créés par les bâtiments du roi à Marly furent les pépinières. Marly étant un grand consommateur d'arbres, d'arbustes et de fleurs, on dénombre plusieurs pépinières à Marly sous Louis XIV, réparties au moins sur 2 sites distincts. La première est au sein même du domaine, un peu au sud du château, dans les bois. La seconde est-elle en dehors du domaine, côté village. Elle est divisée en deux, visible sur la partie droite du plan, avec un jardin destiné à la culture des fleurs, visible lui à gauche. La gestion et le suivi des chantiers de Marly par les bâtiments du roi ont donc engendré, pour leurs propres nécessités, la création d'infrastructures immeubles, dans un premier temps à l'intérieur de l'enceinte du domaine, puis à l'extérieur, dans le village de Marly. Mais plus que par sa structure, la présence d'infrastructures matérielles, un département des bâtiments du roi se caractérise et se définit par sa structure humaine, son personnel. Le département de Marly fonctionne comme tous les départements des bâtiments du roi. À sa tête se trouve, aidé d'un commis, le contrôleur, qui rend compte au surintendant. Viennent ensuite les inspecteurs, qui suivent les travaux, le ou les piqueurs chargés de compter les ouvriers, et les employés des magasins. Ce premier ensemble de personnel assure la gestion et le suivi des chantiers. Il existe ensuite les gardes qui doivent empêcher les déprédations. Viennent ensuite s'adjoindre des services comme le bureau des plans et les fontainiers. J'ai figuré sur ce schéma les liens de subordination tels qu'ils me semblent exister entre les différentes catégories de personnel au sein du département des bâtiments du roi. À la fin du règne de Louis XIV, le personnel fixe du département des bâtiments du roi de Marly est constitué d'un peu moins de 15 personnes, auxquelles viennent s'ajouter des inspecteurs occasionnels et des employés payés à la journée dont le nombre n'est pas connu. À l'origine, et très logiquement, ce personnel venait du contrôle de Saint-Germain, comme par exemple les inspecteurs Jacques Gauthier de Montreuil et Antoine Lécuyer, présents depuis le début ou presque à Marly. Avec le temps, le recrutement se fait également localement. Par exemple, le commis de Louis de Ruzé, Jean Langrume, est originaire de Marly, où il travaillait comme clerc. Puis, le recrutement se fit aussi par le biais des clientèles, Quand Marly est contrôlée par son neveu Jacques Desjardins, Mansart y place un inspecteur, Martin Litaud, originaire d'une seigneurie dont le surintendant perçoit les revenus dans l'Allier. Les inspecteurs, tout comme les gardes-magasins ou autres employés des bâtiments du roi à Marly, suivent une carrière assez semblable, qui se déroule essentiellement dans ce département des bâtiments du roi, où, de génération en génération, ils occupent les mêmes postes. Par exemple, Jacques Gauthier de Montreuil y est inspecteur, son fils, Jacques lui aussi, lui succède, puis son petit-fils, Nicolas, y devient commis des magasins. Louis Baccary, dit diligent, quant à lui, invalide de guerre, employé à Marly dès 1685, comme garde puis comme piqueur, va y servir jusqu'à sa mort dans les années 1730. On retrouve plus ou moins le même type de lignée chez les Lécuyers, où le père Antoine y est inspecteur, puis contrôleur, et où son fils, Charles, a pris un temps sa suite comme inspecteur. Le personnel des bâtiments, avec la montée en importance des travaux de Marly, puis avec le détachement de Marly de Saint-Germain, réside de plus en plus à Marly et s'y installe. Ces hommes et leurs familles travaillent ensemble, se connaissent, des liens sociaux se tissent entre eux, surtout quand on sait qu'ils peuvent rester en poste 20, 30 ou 40 ans. De cela naît ce que l'on peut appeler un microcosme social dont j'aimerais donner quelques aspects maintenant. En effet, et les bâtiments du roi ne sont pas la seule institution présente à Marly, il faut avoir à l'esprit qu'il y a aussi le garde-meuble et plein d'autres services de la maison du roi. Toutes ont un personnel dédié qui y travaille. Tous ces personnels d'institution qui travaillent à Marly sont logés soit au château, soit dans la ville, et entre eux se tissent des liens. Notamment, on peut le voir en parcourant les relevés des registres paroissiaux. Je vais donner quelques exemples. Ce qui est très intéressant, c'est de voir notamment les parrainages des naissances. Par exemple, en 1700, Julie Radegonde à Ardouin, qui est la femme de Nicolas Desjardins, est la marraine de Jean Anicle, dessinateur des bâtiments du roi à Marly. Autre exemple, Antoine Lécuyer est parrain d'une fille toujours de Jean Anicle en 1700. Ces liens que l'on retrace lors des baptêmes montrent en fait les liens à la fois de subordination mais aussi sociaux qui existent au sein de la même communauté professionnelle, ici les bâtiments, mais aussi extra-professionnels au bâtiment du roi, notamment Louis de Ruzé est témoin au mariage de Antoine Le Bègue, concierge du château de Marly, le mariage qui a lieu en 1689. Autre élément intéressant pour bien comprendre cet aspect de communauté sociale, si l'on observe dans le temps long ces familles, on observe qu'elles se marient entre elles, notamment, et je prends cet exemple, le mariage en 1724 de Charlotte-Françoise Gauthier de Montreuil, donc la fille de Jacques Gauthier de Montreuil, l'inspecteur, avec Jacques Tripier, chirurgien ordinaire de la Maison du Roi, et accessoirement chirurgien des bâtiments du roi, qui travaille à Marly. Donc, par ces quelques aspects, j'ai essayé d'esquisser ce que, à une plus grande échelle, j'essaie de prouver, à savoir que l'implantation d'une maison royale, mais aussi de tout département des bâtiments du roi, crée à la fois un microcosme institutionnel, de par les structures qui sont créées à la fois matérielles et humaines, mais aussi un microcosme social constitué par ces liens entre les différents personnels. Pour conclure rapidement, je voudrais dire qu'en retraçant les grandes lignes de l'histoire de la création du département des bâtiments du roi de Marly, nous avons donc essayé de montrer de succinctement ce que pouvait engendrer la décision de créer une maison royale. Et ce, pour une institution. Ce microcosme institutionnel ainsi mis au jour régénère, nous l'avons vu, une communauté. Et je pense qu'il faudrait étudier ce type de choses pour toutes les maisons royales dans le temps long, ce qui nous permettrait de saisir à la loupe et non pas à un degré supérieur, ce qu'on a fait jusqu'ici au niveau de la surintendance des bâtiments du roi, mais au niveau des départements même des bâtiments du roi, que ce soit à Versailles, Marly, Fontainebleau ou autres, de véritables communautés socio-professionnelles qu'il faudrait mettre à jour. Je vous remercie.